Voici un aperçu de l'évolution des rapports entre maître et serviteur, telle qu'elle apparaît dans cinq pièces de théâtre des XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles français. Premièrement, en 1668, nous sommes sous Louis XIV, monarque absolu de droit divin. Racine fait jouer les plaideurs. Le juge Perrin d'Andin est atteint de la folie des procès et des plaidoiries. Son fils Léandre lui propose de juger leur chien, Citron, un mâtin de belle taille, qui vient de dérober une volaille, un chapon. Les serviteurs vont être des instruments commodes et dociles pour satisfaire le jeu de leur maître. Transformés en avocats, le portier Petit-Jean est chargé de l'accusation et le secrétaire l'intimé chargé de la défense.